modèle. Eh bien, c'est tout rapport. Lui, amoureux fou d'elle, il le crie bien fort. Leur cher enfant, qui a tout l'air d'un ange, charmant petit démon, pour vous sortir de vos songes. Ce sont des voisins ordinaires, d'un temps soit peu pépères, sur la limite du casse-pied, on peut les oublier. Le chat qui miaule, fait sa gamelle, son maître qui l'engueule, c'est à peine 4 heures aux chandelles. Entre les cris du gamin, les hurlements du chien, ce constat qui revient, on est aussi ses voisins. Ce sont des voisins ordinaires, un temps soit peu pépère, sur la limite du casse-pied, on ne peut les oublier. Nous sommes tous des voisins ordinaires, pas réellement pépères, mais surtout casse-pieds, tous dans le même panier. Nous sommes tous voisins ordinaires, pas réellement pépères, mais surtout casse-pieds, égoïstes et gimbrés. Thank you.